Branche ta webcam. Je vais te montrer notre nouvel appartement. Tu vas adorer. Me voilà. Mais on est où? Eh bien, tu es dans la cuisine. Mais on a cassé les murs pour l'ouvrir sur le salon. Et on a gagné de la lumière. Ah ouais? Et maintenant, la chambre du bébé. Comment vous avez fait? On a inversé le salon et la chambre et on a créé deux chambres à côté de la salle de bain. C'est beaucoup plus pratique. Et pour finir... Mais c'est une mezzanine! Tadam! C'est ça, c'est notre nouveau bureau. Bravo, c'est magnifique!